بسم الله الرحمن الرحيم. التوضيح المختصر على المنظومة البيقونية أي l'explication de البيقونية في علم الحديث مصطلح الحديث. Et on va étudier ensemble, inshallah ta'ala, le sharh de notre frère الشيخ Abu Hatim Saïd bin Da'as Al-Yafi'i rahmatullah alayhi. Tahmounir ibn Ahmad al-Maghribi, hafidhahullah ta'ala, cours numéro 20. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Akhadna ams al-hadith al-muttarib, fama ma'na al-muttarib lughatan, aw al-ittirab. ما معنى الاضطراب لغة؟ هو المختلف. نعم، أي مرة يقول مثلا كذا ومرة يقول كذا. اضطراب أي son كلام ليس مضبوط، مأخوذ من الاضطراب وهو المختال. قال الرازي رحمة الله عليه: اضطرب أمره اختل. نعم، اختل أي أمره c'est pas le même. Maintenant, un jour il dit j'ai fait, un jour il dit j'ai pas fait, un jour il dit on était deux, un jour il dit on était trois. Hada ittarab dans son kalam. Et sa situation, elle est muttarib. Ou l'ittarab, ça emmène des doutes. Et l'ittarab, ça montre que cette chose, elle n'est pas mahfouda. Ça montre un al-dhabt, il n'est pas tam. Ça montre un al-hadith, il n'est pas mahfoud. Fali hada qala ahlul ilm, un al-hadith al-muttarib, il est min qism. Min qism hada? Min qism al-da'if. ما معنى الآن المضطرب في المصطلح في درسنا نحن؟ أن يروى يعني حديث أو إسناد على أوجه مختلفة. على أوجه مختلفة، نعم. بحيث لا يمكن الجمع. لا يمكن الجمع. الجمع والترجيح. نعم. الرواة هؤلاء ما يكون يعني متساوي في الحفظ. نعم، إذا حصل اضطراب بين فلان وفلان سدي ثقات. ils sont le même niveau في الحفظ. لماذا التساوي مهم؟ إن لو كان يعني فرق بين الضبط لأخذنا. نعم، لو كان أحدهما أحفظ من الآخر لرجحنا رواية الأحفظ. يعني غادي فلان سرواية الباصم فلان لأنه إلي أحفظ. أما الاضطراب إما من راو واحد إما plusieurs روا يغبط كما في حديث حديث أبي بكر شيبة نهود وأخواتها. On a vu qu'il y a plusieurs rawis. On a vu qu'il y a plusieurs riwayat لكن ils sont متساوين في الحب. فالعلماء حكموا عليه بالاضطراب. فدوش شوز في الاضطراب. الرواء سدي ثقات. ثانيا ils sont au même niveau. Donc on peut pas رجح. فلهذا قال ويبت ويختلف فيه راويه أو را أو رواته على أوجه مختلفة. plusieurs أوجه. قال مع تساوي جهات الاختلاف بحيث لم يترجح منه شيء. أما تعلمون أن الأصل هو الترجيح ورجح اختلاف بين الرواة ورجح. est-ce que فلان إلى مثلا إلى لازم son شيخ أكثر إلى plus de حفظ son تعديل إلى أقوى أي العلماء اللي عدل أكثر وفقط أساس كلام. لكن أحيانا هذا الراوي avec l'autre ils sont متساوين في sont متقارب في الحفظ. قال ولم يمكن الجمع. نعم، في هذا الحال لا يمكن الجمع. في هذا الحال العلماء يحكمون على هذا الحديث بالاضطراب. إن جنرال العلماء يرجحون. أما في المتن الاضطراب كما قال العلماء صعب تدخل مثال سالم من الانتقاد. في الإسناد نعم فيه، لكن سي قليل. في الغالب تدخل غادي روايات أنك تبغى رجح. قال الناظم رحمه الله: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. المدرج سي قسم إلي مهم كذلك. قال الإدراج لغة الإدخال. نعم، أدرج فلان كذا أي أدخله. donc الإدراج c'est faire rentrer quelque chose dans une autre. مدرج أي il y a une partie de ce hadith elle est rentrée dans une autre. الآن استلاحا قال الاستلاح كما أشار الناظم أي البيقوني رحمه الله ما أدرج في الحديث من قول راو من رواته سواء كان الصحابي أو من دونه بلا فصل بين قول الراوي وبين كلام النبوة كلام النبي عليه الصلاة والسلام قال بحيث يتوهم أن الجميع مرفوع انتهى حديث مرفوع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ساقط هنا je peux mettre un point الراوي que ça soit الصحابي ou autre il rajoute quelque chose donc النبي صلى الله عليه وسلم il dit quelque chose النبي عليه الصلاة والسلام la parole du prophète صلى الله عليه وسلم s'arrête à un moment précis الراوي rajoute quelque chose أي من باب en général ça sera من باب التفسير il explique quelque chose لكن en apparence أنت quand tu lis le hadith هذا أدخل في هذا c'est pour ça qu'on l'appelle Al-Mudraj. T'as l'impression que tout ça, c'est kalam al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne fais plus de différence, Anta. C'est pour ça que bah, l'ulama, il pense, et ça va jouer sur l'ahkam. Il y en a si, cette partie, tu penses que c'est min kalam al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est une hujja. Si c'est pas min kalam al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas une hujja. Ça peut être accepté, ça peut être rejeté. Ça dépend par rapport au délit. On va voir l'exemple avec Abu Huraira fil wudu, radiyallahu anhu. Il a expliqué le wudu du Nabi sallam et il a dit man istata'a an yutil ghurratahu falyaf'al. Mudraj. Ça c'est min kalam Abi Hurayra. بعض الرواه ils ont pensé que c'était min kalam Nabi sallam mais ils l'ont rapporté marfu'an. Et celui qui peut élever au-dessus des coudes et au-dessus des chevilles, il le fasse. Ça c'est min kalam Abi Hurayra. Si tu penses ou si ça serait min kalam Nabi sallam, on l'aurait fait. Lakin min kalam Abi Hurayra c'est un ijtihad. Enfin, ça dépend par rapport à Adil. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a jamais fait. Donc, on reste à la parole du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce kalam de Abu Huraira, ils ont pensé que c'était min kalam al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça s'appelle al-mudraj. Et ils font plus de différence entre la parole du sahabi ou du rawi et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est rentrée via Hadi. Anta en apparence, avec l'imprimerie, vous avez remarqué que dans les livres, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est en gras. Ah, voilà, en italique. En italique ou en gras. Attends, tu vois, tu sais que c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils mettent deux petits points, ils ouvrent des guillemets, ils mettent en italique. Tout ça, ça t'aide à savoir que c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui imprime le livre ou le shir, qui l'écrit, pour lui, c'est marfou. T'as la même forme de caractère. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, tu fais plus aucune différence. Les ulama ils te montrent, ils te disent hada c'est mudraj. Hada c'est pas min kalam al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Kalam al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam il s'arrête à tel mot. C'est ça le mudraj. Et c'est muhim. C'est muhim, mais il y a des livres fi hada al-fan. Al-an naqra al-mithal. On akmil al-kalam. Qal wa ma ashar al-nazim huna ila ta'rifihi innama huwa mudraj al-matn. C'est ce qu'on a expliqué. Qal dun al-isnad. Wa al-idraj fi al-matn qad yakun fi awwal al-hadith. Na'am. المدرج أي لغاجو أي ce kalam du rawi t'as l'impression que c'est min kalam Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous le schéma qu'on vous a fait c'est à la fin ça peut être au début le rawi dit une phrase il dit un mot tumma il cite le kalam du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans fausse toi t'as l'impression que c'est tout le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam ça peut être au milieu il peut dire une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam tumma il cite un mot ou une phrase pour expliquer en général, tout le monde continue le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Toi, tu lis, tu as l'impression que tout, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais l'idraj, il peut être au début, au milieu ou à la fin. Et le plus souvent, c'est à la fin. قال والإدراج في المتن قد يكون في أول الحديث كأسبغ الوضوء من أبي هريرة. أسبغ الوضوء, c'est au début du hadith. Ça, c'est un conseil de Abu Huraira radiyallahu anhu. Et il y a des hadiths qui montrent ça. Lakin ce kalam al-an dans ce hadith, asbiru al-wudu au début, c'est la parole de Abu Huraira. Bad al-nas, ils ont pensé que c'était un hadith marfou, que c'était la parole du prophète alayhi salatu wasalam. Qala wa qad yakun min wasatihi ka qawl az-Zuhri wa at-tahannuth at-ta'abbud al-layali dhawat al-adad. Wa hadha al-hadith li ma'ruf. At-tahannuth, c'est un mot qu'il y a fait le hadith et az-Zuhri l'a expliqué. قال والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد اي لا اكسبليكي لو مو التحنث انت احيانا dans certains livres tu as l'impression que ça fait partie de كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقه ادرج الى été rentré ce kalam au milieu du hadith c'est min kalam az-zuhri الحفاظ الأئمة ينبهون عن هذا يتدي ست لفظة لمدرجة ست فخاز لمدرجة. قال في حديث عائشة في بدء الوحي أي من صحيح البخاري قال وقد يكون في آخره كقول أبو هريرة كقول أبي هريرة لولا الجهاد لولا الجهاد وبر أمي لأحببت أن أكون عبدا مملوكا لأنه يا فضيلة فأبو هريرة قال هذا يغيب الجهاد Et l'obéissance à ma mère, j'aurais voulu être un abd, mamlouk, un esclave. Hada, c'est min kalam Abi Hurayra. Ba'dahum, ils ont pensé que c'était min kalam al-Nabi alayhi salatu salam. Donc, il a cité des exemples. Au début, au milieu, à la fin. Qala, wa yu'raf al-idraj. Et ça, c'est muhim. Il y en a après avoir compris l'idraj. Aïe, c'est la parole d'un raoui ou un mot, ou plusieurs mots, une phrase, qui, en apparence, t'as du mal à faire la distinction entre la parole de ce raoui et le hadith du prophète en salam. C'est ça l'idraj. Aïe, hada, utkhila fi hada. Al-an, qal yakul qa'il, comment on fait pour savoir que hada, c'est mudraj? Aïe, que c'est pas min kalam nabi sallallahu alayhi wa sallam. En fait, c'est l'explication du raoui, ou c'est un mot qu'il a rajouté le raoui, et ça arrive. Qala wa yu'raf al-idraj, bi wurudihi munfasilan fi riwayatin ukhra. Comme d'habitude, toujours dans ce ilm, jam'a turuq. Tu rassembles les turuq, et tu vas voir que dans une tariqa, c'est واضح. مثلا ils disent wa qala Abu Huraira. Et ils citent son mot. Ils disent qala Abu Huraira. Ou qala Zuhri. Et ils te citent. Tu t'aperçois un tas que cette tariqa elle montre en fait que la kalima dans la première tariqa c'est min fulan. Qala aw bi tansis al a'imma. Daiman. Imma jam'a turuq, imma imam, il te dit al-imam Bukhari, l'imam Ahmed, l'imam Daraqutni, ils te disent anna hadha al-lab c'est pas min kalam an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est mudraj. Et ils te disent c'est qui? C'est Kalam al-Zuhri, c'est Kalam Abi Huraira, c'est Kalam Aisha, etc. Qal ou al-Rawi nafsu, kadhalik. Al-Rawi nafsu, il montre que c'est sa parole à lui, c'est pas Kalam al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qal ou bi-istihalat qawl al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lidhalik. Al-istihala, ay c'est mustahil que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit cette chose. C'est qu'un exemple d'istihala, ay un exemple de mudraj, et c'est pas possible que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit hada. Aindak. فلماذا مستحيل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ لأن أولا أم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت. أحسنت. أن أم النبي صلى الله عليه وسلم توفيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم c'est impossible qu'il a dit لولا الجهاد وبر أمي. Dès qu'elle a accouché quelque temps après, elle est morte. فكيف va dire لولا الجهاد وبر أمي alors que sa mère elle est morte il y a une cinquantaine d'années. Hada c'est mustahil. Tu vois directement que le Nabi sallam il a jamais dit ça. Donc ce kalam Abi Hurayra. Hada c'est un point kadhalik qui te permet de savoir que ce kalam c'est pas min kalam an-Nabi alayhi salatu wassalam. Qal wa la yajuz ta'ammud shay min al-idraj fa huwa haram bi ijma'. Amma at-ta'ammud ay faire croire que ce kalam c'est min kalam an-Nabi sallam. لا شك أن أبا هريرة والزهري وهؤلاء الأئمة من الصحابة وغيرهم leur but c'était pas de faire croire que leur parole c'est la parole du prophète عليه الصلاة والسلام نعوذ بالله أبدا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار قال النبي عليه الصلاة والسلام لا الإدراج الراوي il cite une explication ou un mot, une phrase, فالحقيقة, si tu es en face de lui, tu seras en face de lui, tu aurais vu que c'est son kalam. لكن المشكلة, c'est que des années après, avec le raoui qui rapporte le hadith, ربما c'est le raoui d'après. Il rapporte le hadith et il pense que c'est kalam al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. قال وحكم المدرج أنه من قسم الضعيف. أو قبل ذلك قال ولا يجوز تعمد شيء من الإدراج فهو حرام بإجماع أهل الحديث والفقه إلا les tafsir gharif fil hadith. Amma, il rajoute un mot, il rajoute quelque chose pour expliquer comme il a fait l'imam Zuhri, fahada, ça fait partie de l'explication, c'est le sharh de ce raoui. Amma, volontairement vouloir faire croire que c'est la parole du prophète sallam, fahada, la shak annahu c'est haram. Qal wa hukm al mudraj. Al-an, c'est quoi hukm ce mudraj? Qal annahu min qism al dha'if. Wa qad yakun sahihan ila sahibihi alladhi adraja. Na'am. مثلا le rajout ou la phrase de Abu Huraira لولا الجهاد etc c'est صحيح عن أبي هريرة لكن est-ce que c'est من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا القسم il est simple. On va donner l'exemple fil wudu pour montrer l'importance. Est-ce qu'il l'a cité هنا Cheikh Turki حفظه الله dans son شرح قال وهو على ثلاث مراتب أي بسيتي au début, au milieu, à la fin. قال أحدها أن يكون ذلك في أول المتن وهو نادر جدا. نعم, c'est pour ça que nous avons précisé أن الأكثر c'est à la fin. أما في الأول بداية المتن c'est نادر جدا. قال ومثاله ما رواه الخطيب الخطيب البغدادي من رواية أبي قطن وشبابه فرقهما عن شعبة أي فرقهما قال يعني أن الخطيب رواهما بسندين سند إلى أبي قطن عن شعبة وآخر لشباب عن شعبة نعم فهنا إلى اختصر قال عن شعبة عن محمد ابن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار أين الإدراج أسبغ الوضوء من كلام من C'est min kalam Abi Huraira. Kalam Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est waylun lil aqab min an-nar. Fa Abu Huraira radiyallahu anhu ka'annahu yansah al'an. Ay, je vais vous citer un hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, faites attention à l'wudu, asbigh al-wudu. Thumma yasit kalam Nabi sallallahu alayhi wa sallam, waylun lil aqab min an-nar. Lakin ar-rawi, il a pensé que le kalam de Abu Huraira, c'est min kalam Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fa li hadha il a dit qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, asbigh al-wudu waylun lil aqab min an-nar. حصل إدراج كلام أبو هريرة il est rentré في كلام النبي عليه الصلاة والسلام et t'as l'impression خاصة c'est écrit en gras il a ouvert des guillemets ça c'est l'imprimerie de nos jours هذا فالآن t'as vraiment l'impression que c'est tout le hadith il est مرفوع alors que la première partie c'est من كلام أبي هريرة قال فقوله أسبغ الوضوء من قول أبي هريرة رضي الله عنه وصل بالحديث في أول في أوله كذلك قال رواه البخاري في صحيحه عن آدم بن أبي إياس عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال رضي الله عنه أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من النار قوة الإمام البخاري السيت إلى une رواية رحمة الله عليه dans son صحيح الإمام البخاري c'est très bien que il y a une رواية فيها إدراج elle est مدرجه فيتسيت cette رواية أبو هريرة lui-même il dit أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ثم يسيت الحديث المرفوع فالآن أبو هريرة يبي أن فصل entre son كلام et كلام النبي صلى الله عليه وسلم cette رواية elle te montre que la première qui est عند الخطيب رحمة الله عليه أسبغ الوضوء ويل لعقب من النار elle te montre que la première partie أسبغ الوضوء elle est مدرجة comment t'as su هذا avec la deuxième رواية فاس un exemple طيب قال ثانيها أن يكون في آخره وهو الأكثر أي الإدراج إلى على فن وهو الأكثر. وبسيط ده مثال. إلى بسيط هنا. قال ثالثها أو ثالثها أن يكون في الوسط وهو القليل. إلى قليل كذلك. في الأول إلى نادر. إلى على فن سالأكثر. قال ثم قد يكون المدرج من قول الصحابي أو التابع أو من بعده. هذا on l'a vu. نقرأ un exemple. S'il a cité أخونا يونس أو حسين أقصد الحطيبي إسكي لاستام عن إكزام أما في البداية ولا إكزام إسكي لاستام إكزام في الوسط والأخير أما أضيب جمت vu que c'est rare نادر جدا ici tous l'exemple de حديث أبي هريرة أسبغ الوضوء on l'a vu نحن هذا بل ذكر on avait mis une حاشية on avait cité dans ce درس ذكر الحافظ رحمه الله أي ابن حجر أن هذا المثال هو الوحيد في الإدراج في أول الحديث فهو نادر جدا بل الإدراج au début ils ont trouvé que cet exemple حديث أبي هريرة أسبغ الوضوء donc tu ne trouveras pas des autres exemples والله أعلم وربما des exemples qui ne sont pas ثابت أما الثابت ils ont trouvé que cet exemple donc c'est نادر جدا deuxièmement في وسط المتن قال وهو قليل كحديث عائشة في الصحيحين قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد الحديد أين الإدراج؟ في قوله أن تحنث التعبد في أحسنت حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء قد يقول قائل سكوى معنى التحنث الإمام الزهري أوميليو دو حديث إلى إكسبليكي Vous avez remarqué, sans dire « intaha kalam Nabi sallallahu alayhi wa sallam », je veux vous expliquer. Là, c'est un enchaînement. « Faroubama wahid ili kan al Nabi sallallahu alayhi wa sallam yatahannat fi ghar hira wa tahannut al ta'abud » Il pense que c'est tout min kalam Aisha. كلام عائشة إلي مرفوع لأن الغابورت une chose que faisait النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي فالذي لا ينتبه الآن il peut penser لكن العلماء ils ont montré أنه والتحنث التعبد الليالي c'est إدراج الإمام الزهري il a coupé le hadith il a expliqué ثم il a continué قال فقوله التحنث هو التعبد الليالي ذوات العدد تفسير من الزهري Et ça, ça te montre qu'on a min asbab al-idraj, c'est al-tafsir. Pour expliquer quelque chose de gharib. Mettre le tahannuth, ça peut être un mot que beaucoup de gens ne connaissent pas le sens. Il l'a expliqué, aïe bima'na, al-tahannuth, al-ta'abbud. Ça, c'est un exemple fil wasat. Et il est fil sahihayn. Troisièmement, fi akhirihi wa huwa al-akthar. Na'am, à la fin. Et c'est l'akthar. Qala ka hadith lil'abd al-mamlouk al-muslih ajran. والذي نفس بيده vous comprenez pourquoi Abu Huraira il a espéré il aurait voulu être un abd لانه il y a un ajr azim qui est cité dans ce hadith c'est pour ça qu'il aurait espéré être un abd لكن pour obéir à sa mère لان تعلمون ان العبد المملوك ربما il est séparé de sa mère et il doit obéir à son maître enfin Abu Huraira la chaque qu'il avait sa mère il a préféré obéir à sa mère et servir sa mère et كذلك الجهاد ربما العبد المملوك Si son maître il a besoin de lui, amal, etc., Rabbama le jihad, c'est pas wajib alayh. Enfin, il ne pourra pas aller au jihad. Al-jihad a ces deux choses. Abu Huraira, il a préféré. Il n'y aurait pas ces deux choses, il aurait voulu être un. Lakin, ces deux choses, c'est des choses azimes. Bir al-walidayn et al-jihad fi sabilillah. Comme le hadith ibn Mas'ud. Qal walladhi nafsi biyadih. Lawla al-jihad fi sabilillah wa bir ummi. La ahbabtu an amut wa ana mamluk. كلام النبي صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك المصلح أجران فصي كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبو هريرة لعجوته والذي نفسي بيده لولا الجهاد إلى آخره وبعض الروايز ont pensé que c'était كلام النبي صلى الله عليه وسلم et là il n'y a pas de فصل c'est un enchaînement on le lit الآن avec l'enchaînement للعبد المملوك المصلح أجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي etc لكن الذي انتبه Ça peut pas être kalam al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a expliqué au début du cours, li'annahu qal wa bir ummi. Et ma'rouf, anna al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas connu sa mère. Fa kayf il va dire ça, et c'est un adulte. Alors que sa mère, elle est morte et il était enfant. Hada, ça montre que c'est pas min kalam al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et, inshallah, les prochains durous, vous verrez, al-mudraj fi al-isnad. Amma nahnu, fi al-bayquniya, on se limite à ce qu'il a cité le bayquni. الإدراج في المتن لكن vous saurez qu'il y a un إدراج في الإسناد et vous le verrez إنشاءالله dans les prochains livres avec des exemples يسد فوائد بعد هذا قال كيف يعرف الإدراج تقدم كي سكي ريبت كيف يعرف 3 choses أو 4 بطرق أخرى بطرق أخرى المونتر comme on avait l'exemple de البخاري أبو هريرة يسد son كلام أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم قال Il y a un fasl entre son kalam et kalam al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, Tansis al-ulama, ay yanussun imam min al-a'imma yatadi hada c'est mudraj. Troisièmement, tanbih liman yani fa'ala al-idraj. Na'am, tansis sahib al-idraj lui-même. Lui-même il montre que c'est son kalam, c'est pas kalam al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quatrièmement, c'est mustahil. Istihalatu an hada al-kalam c'est mustahil que ça soit an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. فائدة الإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه لا يكخان ليفغ في هذا في المدرج لكن الكتاب لبا موجود اختصره الإمام السيوطي تتخوف المختصر فالحافظ ابن حجر تعلمون أنه إلى بوكو في ديفور دان سو فن المصطلح فإلا يكخان ليفغ في الإدراج أي يتسيت لأحاديث مدرجة يتسيت سكي qui a cité ce kalam, et il te montre pourquoi c'est pas kalam al-Nabi sallam, etc. Lakin, al-kitab il est mafqoud, ils l'ont pas retrouvé. Lakin, al-Suyuti, rahmatullah alayhi, il l'a résumé. Al-Suyuti, il l'a résumé, fa yustafad min kitab al-Suyuti, hatta la'alla un jour ce kitab il est retrouvé, il est imprimé. Yundar, nous à l'époque, a dit cette faïda, yundar al-an, est-ce qu'il a été retrouvé, am la. Baqiya, al-asbab, limadha, ba'd al-ruwa, il cite un kalam. Au milieu, ou au début, ou à la fin, et sans tafsil, sans tamiz. قال من أسباب الإدراج قد يكون تفسيرا لغريب في الخبر. Comme il a fait l'imam Zuhri, التحنث. Donc ça c'est un sabab. Et تعلمون أن من عادة الإنسان il parle, il bascule dans un autre sujet ou un autre ou de kalam de wahad à un autre sans fasl. Ma'rouf hada. Lakin quand tu l'entends directement, tu comprends. Lakin après, khasatan avec l'imprimerie l'an, rubbama ce kalam il est imprimé avec le même caractère que l'autre, tu fais plus la différence. Amma qasd ar-rawi que l'imam Zuhri c'était d'expliquer. Ça c'est un sabab. Ay at-tafsir, expliquer un mot gharib. كذلك il a cité ثانيا أن يكون استنباطا مما فهمه منه الراوي après avoir cité le hadith, en général ça sera à la fin, il aura un kalam pour expliquer est-ce qu'il a compris, c'est un ijtihad min. Est-ce qu'il a cité l'exemple de Abu Huraira? L'exemple de Abu Huraira il est cité في عمدة الأحكام, il est cité في, on l'a vu أن رضي الله عنه après avoir cité كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. لأنه يعني فضل عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم إلى دمه تخلنا يوم القيامة المؤمنون المسلمون كيف يزيل وضوء ينضعوا avec النور أي les parties de l'وضوء seront illuminées. أبو هريرة اجتهاد منه أي pour que ce nour soit plus grand il a conseillé رضي الله عنه de prolonger من استطاع منكم, celui qui peut rajouter il rajoute. Est-ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam il nous a dit de rajouter là? En fait, c'est un ijtihad min Abi Huraira radiyallahu anhu. Et nahnu, on reste sur le qawl de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est jusqu'au coude. Et les pieds, ma'rouf, c'est jusqu'aux chevilles. Amma rajouter, monter jusqu'au tibia, jusqu'au genou, ou monter jusqu'aux épaules, jusqu'aux aisselles, hada il faut un nas, liannaha, c'est une ibada. Et l'ibada, t'as la moune tawqifiyya. Hada c'est un ijtihad min Abi Huraira رضي الله عنه. الحافظ رحمة الله عليه إلى غبقة الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين. قال في الحاشية أصل الغرة اللمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس. نعم c'est ça l'asl. Vous avez dû remarquer que les chevaux beaucoup ils ont une tache blanche sur le front. Hadi, bil arabia, il l'appelle al-ghurra. Enfin, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a donné cet exemple pour montrer que al-mu'min, il aura cette lumière yawm al-qiyam. Qala min athari al-wudu, faman istata'a minkum an yutil ghurratahu falyaf'al muttafaqun alayh. Al-hadith fi al-sahihayn. Qala wa ziyadat faman istata'a minkum mudraj min kalam Abi Hurayra. Donc, kalam Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'arrête inna ummati يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. كلام النبي صلى الله عليه وسلم يساقط هنا. لكن regardez dans l'imprimerie, comme il a été imprimé ce kitab الآن, il n'y a pas de fasl. Bel, le caractère pour كلام النبي صلى الله عليه وسلم c'est en gras entre guillemets. Ils ont tout mis en gras entre guillemets. أنت تلي t'as l'impression que c'est من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الحفاظ يتمود خلنا من قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته c'est من كلام أبي هريرة. قال مدرج من كلام أبي هريرة أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح وجزم بذلك شيخ الإسلام وابن القيم ثم العلامة الألباني كما في الضعيفة. هؤلاء الأئمة نصوا الحافظ بن حجر شيخ الإسلام تيمية شيخ الإسلام بن القيم الإمام الألباني tous ceux-là ils ont démontré qu'elle était مدرجة. قال وغير واحد من الحفاظ كما أشار إلى ذلك المنذري في الترغيب ويؤيده أن نعيما شك في رفع هذه اللفظة كما في مسند أحمد فقال لا أدري قوله فمن استطاع من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة. فهذا مدخلنا نعيم un des rapporteurs du hadith lui-même il a dit ما ندري فمن استطاع منكم est-ce que c'est من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. Et le sahih c'est que c'est pas من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. C'est مهم cet exemple لماذا لأن ça va impliquer un حكم. Si c'est من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهنا applique c'est une sunnah. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. Celui qui peut élever et dépasser les coudes, dépasser les chevilles en faisant l'wudu, qu'il le fasse. Si c'est من كلام النبي صلى الله عليه وسلم, on va le faire. Si c'est من كلام أبي هريرة رضي الله عنه, on va voir. Est-ce que c'est en concordance avec les textes أم لا. فلهذا il a cité cette مسألة. قال المسألة الأولى المجاوزة في غسل اليدين والرجلين على المرفقين والكعبين. On avait vu cette masala dans notre درس. On l'a relit pour montrer نحن فقط le lien avec الإدراج هذا. قال ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأصحابهم إلى استحباب مجاوزة الفرض في الوضوء وهو مذهب جمهور العلماء. Ils se sont appuyés sur ce hadith en pensant que c'était kalam al-Nabi alayhi salatu wasalam. قال واستدلوا بقوله فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل. قال النووي اتفق اصحابنا على غسل ما فوق المرفقين والكعبين. Donc c'est مذهب الشافعيه ومذهب ابي حنيفه والامام احمد. قال وذهب الامام مالك واهل المدينه الى عدم استحباب مجاوزه محل الفرض وهو روايه عن الامام احمد اختارها شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم. قال اختار هذه الروايه من علمائنا المعاصرين الشيخ محمد ابراهيم ال الشيخ رحمة الله عليه الأنسيان مفتي والشيخ عبد الرحمن سعدي المفسر والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الألباني والشيخ مقبل والشيخ ابن عثيمين وغيرهم رحمة الله عليهم أجمعين. هذا القول الصحيح أنهم ont démontré أن المدرجة c'est pas من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل السنة c'est de pas dépasser les côtes et les chevilles. قد يقول قائل mais c'est la parole d'un صحابي, pourquoi on l'applique pas؟ أولا il répond أن مجاوزة محل الفرض. Mahal al-Fard, c'est l'endroit de l'obligation. On sait que l'obligation, pour les bras, c'est du bout des doigts jusqu'au coude. Comme on l'a vu, dans surat ayat al-Ma'ida, min surat al-Ma'ida et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui dit de dépasser, il faut un délit. Et ta'lamoun, le délit, c'est qu'Allah, Allah, qu'Allah, Rasoul. Amma sahabi, son qawl, ça peut être un ijtihad. Thaniyan, قال كل الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسل الوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين. صحيح حديث عبد الله بن زيد حديث عثمان tous ces hadiths qu'on a vu, خاصة ces deux hadiths, hadith عبد الله بن زيد حديث عثمان, c'est des usul dans le wudu. Ils ont montré à le Nabi صلى الله عليه وسلم il avait ses bras jusqu'au coude et ses pieds jusqu'aux chevilles. Enfin nous on peut leur dire certains sahaba, ils ont rapporté le hadith et ils nous ont pas dit de rajouter. Enfin, comment on fait l'an? On revient au nas. Thumma, le dernier point qu'il a cité, anna qawlahu man istata'a minkum mudraj. Qal, wa hadha al-qawl huwa al-rajih. Wallahu a'lam. Na'am. Fa al-mas'ala li khilafiyya, lakin al-sahih, c'est que tu rajoutes pas. Nahnu, pourquoi on a cité tout ça? Pour te montrer que al-idraj, ça peut changer un hukm. C'est un exemple avec al-wudu. Wallahu ta'ala a'lam. Hadith numéro 40 de Boulour al-Maram. Hadith numéro 40 de Boulour al-Maram et il est fait Sahihayn. Al-Bukhari numéro 136 et Inda l'Imam Muslim numéro 35 et numéro 246. Il l'a cité deux fois. Wallahu a'lam. Naktafi bihadal qadr. Subhanak Allahumma bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.